La Grande Duchesse, par G. Lenôtre. 20 ans, une tignasse rousse, l'air d'un gamin révolté, elle loge dans un taudis de 12 francs par mois, au-dessus de la boutique d'un perruquier. Elle déjeune et dîne d'un morceau de pain et de quelques pruneaux. Nous sommes à jeun, en 1853. Et au jour d'extra, elle verse une cuillerée de vinaigre dans l'eau claire qui est sa boisson habituelle. Sur l'affiche du théâtre municipal, elle figure sous le nom de Mademoiselle Hortense, car elle est comédienne, et pour 50 francs par mois, qui lui sont repris sous forme d'amende par son directeur, toujours en déficit, elle joue le vaudeville, le grand opéra, la comédie, le drame, l'opéra comique, danse au besoin, chante dans les chœurs, et fait nombre dans la figuration. Le spectacle commence à 6 heures pour se terminer à minuit, métier de forçat qui la ravit. Elle est sur les planches, et jamais elle n'a rêvé plus grand bonheur. Toute petite à Bordeaux, dans l'atelier de son père, un pauvre tailleur nommé Schneider, débris des contingents rénants du Premier Empire, la plus grande joie de la fillette était déjà de monter sur l'établi et de s'y trémousser en récitant des fables avec des mines à dérider les plus moroses. Plus tard, trottin chez une couturière ou petite main chez une fleuriste, elle s'insinue dans la troupe d'amateurs d'un théâtre de société et un vieil artiste qu'elle ensorcelle lui apprend à poser sa voix et à respirer quand il faut. Aussi, lorsqu'elle a signé son engagement draconien dans la troupe d'Agen, s'est-elle crue parvenue à l'apogée de sa carrière. D'ailleurs, ce n'est pas la gloire, elle s'en moque. Les cocodesses à genoux la trouvent gentille, certes, mais ce qu'ils apprécient surtout, c'est son minois audacieux, la légèreté à la fois pudique et risquée de ses pirouettes, l'aplomb qu'elle apporte à truffer ses rôles de joyeuses cascades, qui ne sont pas du texte, et l'appétit d'affamé dont elle fait preuve lorsqu'un habitué des fauteuils l'invite à quelques soupers dont elle est le frosine, ainsi nomme-t-elle celle des grâces dont les anciens plaçaient la statue sous la table lorsqu'ils voulaient se livrer au plaisir. Et ces petites fêtes étaient si fréquentes qu'une grande dame de la société agenoise vint se plaindre au directeur du théâtre des ravages que sa pensionnaire exerçait sur les plus austères époux de la ville. 2 ans se passèrent ainsi, au cours desquels elle a successivement personnifié le page de la tour de Nesle, Inès de la Favorite, la nièce de Saint-Flour, un nègre de l'oncle Tom, le mousse de Haïdé, et joué un nombre incalculable d'autres pannes. C'est munie de ce bagage qu'elle débarque un jour de 1855 à Paris, se présente au chanteur Bertelier, à qui plaît cette jolie frimousse. Elle sollicite les directeurs, passe des auditions, s'astreint au régime des pilules dorées et des refus polis. Regrette beaucoup. Troupe au complet. Repassée dans 1 an. Et la voilà montant l'escalier d'une triste maison de passage saunier où habite un pauvre diable de musicien allemand qui cherche à former une troupe, ayant loué aux Champs-Élysées une petite salle en bois abandonnée par un prestidigitateur. C'est un homme agité, mince comme une clarinette et vif comme un triolet. « Chante-moi quelque chose, n'importe quoi !» dit-il de son accent tudesque pour se débarrasser de la visiteuse. Il se met au piano. Elle entame le boléro du domino noir. Dès les premières mesures, le musicien ferme le clavier. « Où as-tu appris ?»« À Bordeaux, monsieur. »« As-tu un professeur ?»« Oui, monsieur, c'est... »« Mais, petite misérable, si tu as le malheur de prendre des leçons, je te fiche mon pied quelque part et je déchire ton encagement. Car je t'engage, tu entends. 200 francs par mois. » Pour la première fois, ce jour-là, se trouvèrent accolés sur le papier qu'on signa les deux noms d'Hortense Schneider et de Jacques Offenbach. Il ne faut pas s'y tromper, ce fut là une date historique, car en dépit des pudeurs de Clio, c'est bien de l'histoire que l'acte de naissance d'un genre, qui allait être la caractéristique de toute une époque. Tandis que Napoléon III régnait aux Tuileries, Hortense Schneider va régner sur Paris et dans la faveur du boulevard, l'empereur sera souvent distancé par la populaire divette. Véritable conte de fées que la carrière de cette fille du peuple. Sortie de quelle pauvre échoppe de province, la voici parvenue en moins de 6 ans à conquérir Paris, au point que lorsque la grande ville, à l'apogée de sa splendeur, héberge tous les souverains de l'Europe, c'est à l'ex-petite figurante du théâtre d'Agen que vont tout d'abord leur hommage. Elle domine en despote le théâtre exige des appointements fabuleux, dirige tyranniquement les répétitions, s'annexe, sans qu'on ose y redire, tout ce qui lui plaît dans les répliques de ses partenaires, mais en interdit les camarades en qui elle flaire des rivales éventuelles. Après avoir été en 1864 la belle Hélène, elle est en 1867 la grande duchesse de Gerolstein et son triomphe devient extravagant. C'est vraiment une souveraine. Quant au bois, elle passe dans son élégant coupé autour duquel galopent ses 8 chiens. On s'écarte, on s'arrête. La grande duchesse, c'est la grande duchesse! Elle est saluée et acclamée comme une altesse authentique. Avenue de l'Impératrice, à l'angle de la rue Le Sueur, est son hôtel, dont le fronton porte un amour tenant une lyre, avec comme devise « J'ai chanté ». À la porte de cette demeure somptueuse, on a vu stationner la voiture du tsar de Russie. Dans sa loge, aux variétés, se bousculent les rois, les grands-ducs, les pachas, les princes et les courtisans de tout rang. N'arrivera-t-il pas que le négus Théodoros, fou d'amour, offrira à l'artiste sa couronne? Sous le canon de Sedan, tout s'effondre. Le trône de Napoléon III, en s'écroulant, entraîne dans sa chute celui de Gerolstein. Quelques mois d'ouragan ont passé, la France meurtrie se relève, Paris dévasté renaît de ses cendres, Hortense n'existe plus. Elle vit, elle est toujours belle, elle n'a rien perdu de son talent, mais elle est reléguée parmi les ruines du passé aboli. C'est une ancêtre. Elle essaie de reprendre quelques-uns de ses meilleurs rôles. On l'applaudit, poliment. Dans l'accueil du public, on sent de la condoléance. Frémissante de mélancolique anxiété, elle s'expatrie, va en Russie, et en arrivant aux frontières de l'Empire des Tsars, elle y trouve un train spécial, bien chauffé, bien capitonné. Galanterie de l'empereur Alexandre II qui, à Paris, en 1867, l'honora de son amitié. À Pétersbourg, son succès est grand. Elle croit le mauvais sort conjuré, revient à Paris, rentre aux variétés, four noir. Après une dernière et lamentable tentative de reconquérir son public, sur une scène de cinquième ordre, elle se résigne à abdiquer. Ces royautés-là sont, comme les autres, fécondes en amertume. Mais Hortense est fière, nul ne saura ce qu'elle souffre, ni rien ni personne ne la feront désormais sortir de sa retraite. C'est alors qu'elle commit la seule sottise de sa vie. Elle se maria avec un gentilhomme exotique, plus jeune qu'elle de quelques années. La lune de miel n'était pas encore dans son plein, que déjà Hortense ne pouvait douter de son imprudence. Séparation, procès retentissant, divorce. Elle parvint à sauver de cette aventure le meilleur de sa fortune et elle se cloîtra définitivement. Tous les Parisiens connaissent cette maison qu'on voit au numéro 123 de l'avenue de Versailles, non loin du point du jour. D'architecture très simple, très confortable, située dans un quartier naguère calme et verdoyant, presque en face des hautes futaies de Sainte-Périne, cette demeure fut bâtie sur les plans d'Hortense Schneider, devenue comtesse de Brionne. Elle avait conservé le nom de son éphémère mari. C'est là qu'elle passa ses 30 dernières années, s'occupant de bonnes œuvres, visitant les pauvres et consacrant son temps et son dévouement à l'orphelinat des arts, dont elle était la présidente d'honneur. C'est à cette institution qu'elle légua son hôtel, ses villas de Fécamp et toute sa fortune. Dans son salon se voit un brillant portrait de la grande duchesse, cravache en main, colbac en tête, pelisse à l'épaule et toute chamarrée de décoration. Souvent, dans les années d'avant la Grande Guerre, on devine, dans l'ombre d'une baignoire des variétés, une vieille petite dame très forte, très bourgeoise, malgré son chignon roux. C'est Hortense Schneider qui vient entendre son vieux répertoire. Chez elle, bonne ménagère, elle établit chaque jour avec sa cuisinière ses comptes de dépenses et se commande des petits plats soignés. Elle a été gourmande, elle l'est encore, elle le sera jusqu'à la fin, qui arriva lorsqu'elle lui atteint ses 87 ans, le 6 mai 1920, au matin, alors que, couchée dans son grand lit à baldaquin, elle venait de déjeuner d'une tasse de chocolat. C'était La Grande Duchesse par Gilles Lenôtre.